Test, recording. Ça enregistre quand c'est rouge. Et comment j'arrête l'enregistrement? Bienvenue dans la revue des podcasts de Saintone.fr. Bonjour Étienne. Bonjour Juliette. Aujourd'hui, on écoute et on décrypte un podcast de Fernand de Roussen, audio-naturaliste et fondateur de Naturophonia. Il nous propose ici 11 épisodes de 4 à 8 minutes, chacun centré sur un événement sonore précis, chant de grillon ou feu d'artifice. Naturophonia Podcast. L'art des sons de la nature. août 2017, 15h30, sous l'orage. Alors je voudrais m'adresser aux adeptes du storytelling, passez votre chemin, ici pas de blabla intempestif, pas de témoignage scénarisé, pas de moi-je à la mort moelle-neux, Naturophonia c'est du son, presque rien que du son, et pas n'importe quel son, le son de la nature, l'observation patiente et passionnée de l'environnement sonore, l'écoute contemplative à son plus haut degré. Alors non, je voudrais me reprendre parce que si vous aimez le storytelling, vous pouvez rester, venez par ici, parce que le podcast Naturophonia de Fernand de Roussen, c'est aussi bon pour se nettoyer les oreilles et pour réinitialiser nos cerveaux qui sont surconnectés à des flux continus de mots et de paroles qu'on s'inflige, on ne sait même plus trop pourquoi. Alors, Fernand de Roussen, c'est une personne que nous connaissons bien, preneur de son nature professionnelle depuis 20 ans, l'un des seuls en France. C'est lui qui a contribué à répandre le terme d'audio-naturaliste pour désigner cette pratique hybride à cheval entre science de la vie et création. Ses états de service mentionnent la réalisation de 120 disques de sons d'animaux et d'ambiances naturelles qu'il a collectés aux quatre coins du monde. Et depuis une bonne dizaine d'années, Fernand travaille à divulguer sa passion sur Internet. La beauté fragile de la biodiversité sonore qui nous entoure le motive à la faire connaître le plus largement possible, mais tout en dénonçant aussi le pillage des sons de nature par des productions audiovisuelles qui sont souvent peu enclines à reconnaître le travail que cela représente. Fernand veille au grain de sa profession. Et donc, c'est dire que ce nouveau podcast est déjà œuvre de générosité. Merci Fernand. Et côté générosité, on peut aussi signaler qu'il a fait don, il y a quelques années, de sa sonothèque au Muséum d'Histoire Naturelle, ce qui a permis à cette institution de démarrer sa banque de sons, que vous pouvez écouter sur sonothèque.mnhn.fr. On mettra le lien sur la page du podcast. On peut également préciser que ce n'est pas le premier podcast qu'il propose en réalité, Fernand, parce qu'il a beaucoup expérimenté sur diverses façons de donner à entendre son travail en ligne. Il a fait un audioblog, un audioblog note, il a un compte sur Bandcamp, donc il donne à écouter pas mal de choses gratuitement ou également en mode payant si on veut soutenir son travail. Il a eu un site qui s'appelait L'Oreille Verte, donc il a vraiment... Il a été, je pense aussi dans le milieu de l'audio-naturalisme, un des pionniers aussi des usages du web pour diffuser son travail. Mais bien souvent, jusqu'à maintenant, c'était des extraits de sons donc, qu'il propose à l'achat ou bien une incitation à découvrir ses CD. Parce qu'on trouve des extraits en haute qualité audio sur son site naturophonia.fr. Mais à travers ce podcast, c'est vraiment une autre démarche qu'il entreprend. Et on va vous lire la présentation qu'il en fait, parce qu'elle est très explicite. Donc il dit « Aujourd'hui, aucune radio ni podcast ne propose de donner la parole au son de la nature sans transformation ou ajout de créations sonores diverses. Devant cette petite anomalie, j'ai décidé de parler directement de mon métier d'audio-naturaliste et de mes rencontres sonores dans le monde sauvage comme je les enregistre, c'est-à-dire à l'état brut. Et je vous invite à prendre le temps d'une écoute, celle de la nature. » Bon, quand il dit à l'état brut, il exagère un petit peu, mais on va revenir plus tard sur cette petite cachotterie. Oui, Fernand de Roussen a ce côté revendicatif, avec ce petit trait grincheux aussi quand il s'agit de fustiger l'ennemi numéro un de nos plaisirs auditifs en pleine nature. Je veux parler du trafic aérien. Mais tout à l'heure, je taquinais les amateurs et amatrices de storytelling dont je fais modérément partie. Mais pour autant, Naturophonia ne nous propose pas du son brut sans commentaire. Chaque épisode est introduit in situ par Fernand, par ce qu'il faut comme information et jamais trop, notamment bien sûr sur l'espèce animale vedette de l'épisode, avant de donner une large place à l'écoute. Et même quand Fernand n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, comme il dit, on en apprend quand même. 5 août 2017, forêt de Valdrome, 19h30, 14 degrés. Pas grand-chose à me mettre sous la dent ce soir, sinon que ce petit Puyo Veloz qui alarme près du nid. Alors que le vent balaye là aussi la forêt de Valdrome. Alors justement, parlons du vent. Qu'est-ce que le vent ? De l'air qui se déplace ? Et en fait, le bruit du vent est une conséquence. La conséquence de cet air qui percute les végétaux, les arbres, les murs, les objets. Qui permet ainsi de constater que l'air se déplace en vagues, ou parfois en continu, au bord de la mer souvent. Mais là ce soir c'est plutôt des vagues. Et comme le soleil est en train de descendre derrière la montagne, il y a les vents thermiques qui amplifient le phénomène. Par contre pour les avions il n'y a pas de problème. Vent ou pas vent, on les entend très bien. Et ce Puyo Veloz là qui alarme alors que je suis certainement sur son territoire. Alors Naturophonia Podcast a démarré le 3 août dernier. Avec des mises à jour parfois d'un jour sur l'autre, parfois à une semaine d'intervalle. On ne sait pas quels objectifs ni quel calendrier Fernand de Roussen s'est fixé, mais à chaque fois, on a l'impression d'être invité dans le quotidien de ce passionné qui, lorsqu'il ne court pas le monde, pose ses micros dans sa montagne en bordure de Provence, juste pour le plaisir de prendre l'air en compagnie des espèces sifflantes, crépitantes, percussionnistes qui orchestrent ses nuits. Pour autant, et mis à part les avions, les activités sonores humaines ne sont pas complètement bannies des enregistrements de Fernand de Roussen, comme cet épisode avec une professeure au Muséum d'Histoire Naturelle, ou encore celui où, pour le feu d'artifice du 15 août dans un village voisin, on entend résonner la masse joyeuse de la foule en goguette. La prise de son de base est en multiphonie, en 5.1. 4 microphones cardioïdes pour les spécialistes et un microphone omnidirectionnel pour récupérer les basses. J'aimerais revenir un petit peu sur la façon dont il présente son travail, puisqu'il sous-titre son site aussi bien que son podcast « L'art des sons de la nature », ce qui est très joliment ambigu, parce que est-ce que l'art des sons de la nature, est-ce que c'est l'art de la nature elle-même qui produit ces sons ? Fernand semble le dire à la fin de chaque épisode, puisqu'il dit que c'est fait avec la complicité de Dame Nature, mais lui-même se présente comme simple poseur de micro ou régleur de boutons de volume, ou bien est-ce que c'est l'art d'enregistrer les sons de la nature ? Je dirais que c'est un savant mélange des deux, en penchant un petit peu plus vers la deuxième hypothèse, parce que Fernand de Roussen insiste beaucoup sur le fait que chaque audionaturaliste a sa patte, qui est reconnaissable entre toutes, et que le choix de la scène, du moment, du placement, de la sélection finale des sons qu'on va donner à entendre, tout ça relève d'un vrai métier. On fait d'ailleurs appel à lui comme conseiller S-son dans les documentaires animaliers, par exemple pour ne pas caler sur des images de moineaux parisiens des sons de moineaux du Cantal. Ça, c'est un exemple véridique qu'il m'a donné. Bon, peut-être pas avec les moineaux, mais avec en tout cas des espèces d'oiseaux qui ont des accents différents selon leur lieu d'implantation géographique. Pour mieux faire comprendre son travail, Fernand de Roussen le compare souvent à la photographie, où il est communément admis que le métier de photographe implique d'autres compétences dans le cadrage, la composition, le travail de la lumière, etc., que celle de simplement appuyer sur le bouton d'un appareil automatique. Donc dans la photographie comme dans l'audionaturalisme, il faut avoir fait d'amples repérages préalables, il faut savoir analyser le paysage sonore tel qu'il se présente à nos oreilles, dans un lieu donné, à un instant T. Il faut comprendre aussi l'évolution de ce paysage sonore, et c'est ça qui est absolument fondamental. Il faut non seulement être fin connaisseur des techniques audio, mais aussi fin connaisseur du monde animal. Et Fernand est d'ailleurs un grand entomologiste qui va repérer dans un champ où vous marchez avec lui quelles espèces sont présentes, bien sûr, mais aussi où elles se situent, ce qui n'est pas toujours évident à repérer. Quelle est la caractéristique de leur champ ? Comment ces différents insectes se répondent ? Pourquoi les champs prennent cette forme-là à ce moment-là, etc., etc. On peut par exemple écouter l'une des pièces les plus sobres qu'il ait publiée dans ce podcast, intitulée « Soirée au grillon clochette », où derrière l'apparente simplicité, il y a une très grande précision technique et auditive. Naturophonia Podcast, l'art des sons de la nature. 22 août 2017, plateau de l'Échandillois, 1000 mètres d'altitude, 21h30, 18 degrés. Je consacre cette soirée à l'écoute et à l'enregistrement du grillon titanambulant, Egrilodes pipiens, que je préfère appeler le grillon clochette. Vous comprendrez en écoutant ce chant pourquoi je préfère ce petit surnom. Je vous laisse à l'écoute de cette merveille sonore de la nature. Alors, est-ce que Naturophonia est le seul podcast de sons de nature comme le prétend Fernand de Roussen ? Eh bien, c'est apparemment vrai. On trouve un peu plus de podcasts consacrés plus largement au field recording, c'est-à-dire à l'enregistrement d'environnements sonores en tout genre, urbains par exemple. Mais du côté nature, c'est pot de balle. On avait Martin Stewart, même profil que Fernand de Roussen, avec son Nature Sounds podcast, un podcast qui remonte tout de même à 2005 et qui s'est arrêté en 2013. C'était quelque chose de très écrit, de très monté. Dans ce qui est toujours en ligne, on peut citer les Pas si bêtes de Céline Duchesnay, diffusées à l'été 2016 sur France Culture. Alors c'était des passionnantes chroniques du monde sonore animal, mais les sons des animaux mixés avec un fond musical servaient surtout d'habillage à la parlotte. Avec ce site cocasse que ces sons, les sons utilisés dans Pas si bêtes, nous dit-on, provenaient de la sonothèque du Muséum d'Histoire Naturelle, à laquelle a largement contribué Fernand de Roussen. Bon. En remontant un peu plus dans le temps, on pourra exhumer du fond des archives d'Arte Radio l'excellente série documentaire d'Antonio Fischetti, Les animaux musiciens, c'était en 2009. Et alors là, on ne sait pas d'où viennent les sons, mais on apprend plein de choses sur le rire de la hyène, le chant des baleines ou encore le lamento du crocodile, avec des paroles de scientifiques pas guindées du tout, un montage astucieux et une large place au son des bêtes. On peut aussi évoquer, par exemple, le blog collectif Sonatura, audioblog.sonatura.com, mais qui fonctionne très au ralenti maintenant, qui a été plus actif auparavant. Également le travail des frères Namblard sur le site Promeneurs Écoutants, promeneursécoutants.fr, ou bien un site comme Sounds Like Noise, soundslikenoise.org. Mais je crois que... En fait, il y a vraiment une singularité du podcast de Fernand dans tout cela, parce que ça tient effectivement au fait qu'il n'utilise pas le son dans le cadre d'une composition, mais aussi qu'il est dans une démarche didactique. Il est vraiment dans la volonté de faire reconnaître le métier d'audionaturaliste, ce qui est son dada et ce qu'il fait très bien. Ce qui d'ailleurs n'altère en rien le plaisir que l'on peut prendre à se laisser bercer par la richesse et la musicalité des sons de la nature dans Naturophonia Podcast. Alors vous retrouverez dans la description tous les liens vers les podcasts dont nous vous avons parlé. À noter que le prochain numéro de notre revue de l'écoute paraîtra très bientôt avec un reportage sur le centre de découverte du son en Bretagne pour lequel Fernand de Roussen a été un compagnon de route. Et sans oublier, tiens, que chaque numéro s'accompagne de la chronique son de saison de l'audio-naturaliste Marc Namblard. À chaque saison, donc, un son à écouter dans la nature, à lire dans la revue de l'écoute et à écouter sur SoundCloud. À bientôt, Juliette. À bientôt. Pour un prochain numéro de la revue des podcasts de saintone.fr. 1-1-1.